Bah, you bah. Ce petit l'air. Son tout tranquille. Titi Parisien à l'instant. J'aime ça, moi, j'avais aussi, besoin. J'aime bien celui-ci. J'étais revenu avec l'album, les premiers titres sur des sonorités un peu trap, un peu d'aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est ce que je sais faire de mieux finalement, tu vois. Et puis ça, voilà, ça montre que ça rappe, quoi. Ça rappe et qu'il y a du bagage, nous on connaît tout ça. Mais ça, on l'a déjà fait en 2009. Donc on aime bien que la musique elle évolue avec la musique. Mais bon, un petit retour aux sources, ça fait pas de mal. C'est pour tous ceux qui prétendent dire ouais, nous le rap d'avant, c'est nous qu'on le maîtrise et tout ça. C'est une petite gifle pour tous ces. Pour tout le rap, c'était mieux avant. Ouais. Et le rap, c'était vieux avant. C'était vieux avant. Sur le côté trap, justement, tu penses qu'il y a justement une partie de la scène, pas toute évidemment, mais où c'est un peu facile quelque part ces sonorités pour rapper, contrairement à une autre époque d'où tu viens aussi. Ouais, mais quand si t'es un bon rappeur, après tu fais un morceau avec une prod trap, ça peut que faire aussi un bon morceau, tu vois. Ça donne la facilité à des gens qui font des textes. C'est vraiment plus facile, honnêtement. C'est toi qui connais les deux côtés. Bah non, moi, j'arriverai pas à faire cette facilité-là. Moi, je me fixe des objectifs de me dire, ah, il faut un quota de punchline, de rimes multisyllabiques, de faire quelque chose qui sonne bien. Ouais, ça, c'est quelque chose. C'est que le rap, maintenant, aujourd'hui, touche un public beaucoup plus jeune. Donc, il est fait aussi par des gens jeunes qui n'ont pas l'expérience d'écrire des bons textes, des fois, tu vois. Je vois des petites 16 ans, 17, ils font des clips aujourd'hui, etc. 16, 17 ans. Donc, les enfants, après, ils s'identifient, ils écoutent. Donc, ce qui est bien, qui est positif, c'est qu'il y a beaucoup plus de public qui écoute du rap aujourd'hui. Donc, c'est à nous de savoir aussi et prendre des instrus de ce type-là pour amener ces auditeurs. Ouais. À découvrir les anciens artistes comme nous, mais on a traversé les époques, tu as vu ou pas? Ça fait 10 ans que je suis dans le rap. J'ai l'impression que tu as rajeuni. Ouais, c'est beau ça. J'ai l'impression que tu as rajeuni. Non, mais voilà, les hommes ils deviennent beaux avec le temps. C'est ça, comme le bon vin. Voilà. Un petit mot quand même avant de. On a le temps de remettre un morceau Oui. Pas sûr. Parce qu'on a aussi le répondeur à faire écouter, puisqu'on a pris le portable et tu vas voir, il y a plein de gens qui t'ont laissé des messages. Wow. On va écouter ça dans un instant. Non, je voulais juste, comme c'est la dernière ce soir, ouais. Qu'est-ce qu'on a pu oublier de dire sur l'album que tu voulais préciser aussi si tu voulais saluer des gens ou s'il y a des choses que tu voulais dire en particulier sur Bah, il y a un casting de luxe. Moi, j'avais besoin d'inviter des gens. J'ai toujours invité des gens dans mes albums, que ce soit Barry et Plein, le premier, à celui-ci. Et beaucoup de gens m'ont dit, ouais, on aimait bien Barry et Plein quand même, il reste des nostalgiques de cette époque. Et ce qui différenciait mon premier album Barry et Plein aux autres, c'était riche en featuring. Donc là, je me suis fait plaisir. Donc on va rappeler qu'il y a le frérot Lacrim sur l'album, il y a Gradure, Niska qui est passé, Al Capote, Missa, Sadek et Joke. Voilà. Mais je garde encore quelques surprises pour la suite. Il y a aussi des featuring inattendus qu'on a gardés sous le coude. Ah, il y en a. Ouais. Qui sont planqués un petit peu. Voilà. Avant de terminer ce que j'ai à faire dans le rap, voilà, je repartirai quand il y aura mon disque d'or et deux feats qu'on est sur le point de faire. Et après, pas avant. Jamais. Allez, on met un petit morceau avant la pub et justement avant de passer le répondeur, les gens qui t'ont laissé des messages, on part sur quoi? On peut se mettre un Val d'Oseille. Val d'Oseille ? Ouais. Très bien. Val d'Oseille, c'est un des morceaux en premier qui est arrivé, hein, je le rappelle. En mode Mad Max, il y a le clip, il est super beau. Si vous n'avez pas vu les images. Dédicace à Daylight. Dédicace à mon gars Gremlins au placard aussi. Et tous les gens qui sont en prison, qui vont au travail, tous ceux qui vivent des moments difficiles. Les mamans seules. Voilà, les gens qui se font expulser. Les punks à chier. Et tous les gens qui touchent le RSA. Ah, sur Punchline. C'est l'album qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Oh. La grosse chatte à ta mère en pièce jointe. Tu roules en féfé sur les champs. Moi je préfère marcher pieds nus sur la terre sainte. Faire disque d'or avec du rap par corps. C'est dur comme des bouchers, des chiottes avec un cintre. Faut crier pour que ces portes écoutent. Soit tu portes tes couilles, soit tu portes plainte. Les gars du crew attendent l'heure de gloire. Marc Dutroux attend l'heure de pointe. J'rappe pour mes fumeurs de zat et mes buveurs d'absinthe. T'es maquillé comme une voiture volée, ta mère la tape. C'est pas un chirurgien qu'il faut, c'est un peintre. Voilà, rap ta mesquin, j'suis la version blanche de Despo. Cherche pas à savoir si on a de la blanche de dispo. Plus j'aime les femmes, plus j'aime les chiennes qu'en pense le védo. Que la RATP me suce avec sa bouche de métro. Sale est le propos, schlag est le losbo. Mon disque d'or fondu sur ton crâne à la cale, Drogo. Yeah. Fais du bruit pour mon Val d'Oseille. Fais du bruit pour mon Val d'Oseille. Fais du bruit pour mon Val d'Oseille. canon dans mon pantalon. Tu ressembles plus à une tasse qu'à Pocahon. Les schlags veulent la galette mais pas les centons. Je suis pas venu là pour parler cent ans. Je fais des provisions sans chèque, des chèques sans provision. Les matons c'est des bâtards, t'es mal à tête qu'ils ont. Il pleut des cordes, il fait un temps à s'évader de prison. Moi je suis un papillon, mais je veux pas ta chatte en fleurs. Je fais le poirier quand je pleure pour que les larmes coulent vers l'intérieur. Les MC viennent chez moi passer l'aspirateur. Je suis sûr qu'ils étaient pédés dans une vie antérieure. Reste à ta place de gentil rappeur ou ton clash va te péter à la gueule comme après avoir chié sur un ventilateur. Yeah. Fais du bruit pour mon val d'oseille. Je me branle avec ton corps, c'est pas pareil. On porte pas d'américain à pareil. J'ai le même vice que l'héritage à la Palerme. T'es une chienne mais t'en as pas l'air. Suce mon génital à pareil. Fais-moi une pipe au miel sur la bite, j'ai une abeille. Question préférée, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces bouteilles. On sort le pastis comme à Marseille. Tu bastos dans le Marseille. Hommage aux darons qui balayent. On sort des couplets, t'as les bootlegs de Harlem. Le poteau sort du star, alors on paye les TD. Demain c'est le ramdam, on sort le BDDT. Aujourd'hui t'as du buzz, demain t'en as plus, c'est comme l'oseille. Pète pas plus haut que ton cul, t'auras de la merde derrière les oreilles. Yeah. Faites du bruit pour mon val d'oseille. L'euro rouge, je le porte à merveille. Ramène tes MC, je prends n'importe lequel. Les punchlines, j'en ai à la peine. Val d'Oseille, à l'instant, c'est aussi un morceau que vous retrouvez sur Professeur Punchline qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Ouais, et qu'on peut retrouver sur YouTube aussi avec un gros clip. Seth Gecko avec nous, on va revenir dans un instant. On est promis le morceau avec Niska, Homme des Neiges. Eh oui, le clip arrive. Allez, faites un maximum de clips pour le clip Délicatessen à 1 million. On envoie Homme des Neiges avec Niska, fait par Nicolas Noël. Bouh. Et puis dans un instant, on écoutera le morceau. Mais juste avant, toute la semaine, tu as un portable que je vais reprendre d'ailleurs. Voilà. Malheureusement, sinon j'avais pris goût à le garder, à lire les petits messages de soutien et super agréablement surpris par le soutien beaucoup, sur cet album-là. Beaucoup de soutien, beaucoup de force pour Seth Gecko et la preuve maintenant puisqu'on a été récupérer un peu ce que les messages laissés, une partie des messages laissés sur les répondeurs. Écoute, ça donne ça, on se retrouve juste après. Ah, allez. Ouais, je m'accouillasse. Ouais, bah alors le Seth Gecko, tu veux pas répondre ou quoi? T'es pas overbooké là, tu parles tranquille avec Alfred. Bon, enfin bref, force à toi, mon Seth Gecko. 6 novembre, Professeur Punchline, dans les bacs et dans les blocs. Allez, force à toi. Je vais venir à Phuket te régler un coup de botte. Allez, ciao, bonne semaine. Ouais, ma couillage. Bah, bon courage, plein de bonnes choses. Et ça fait 10 ans que je fais du rap, 10 ans que je te supporte. Et c'est vraiment bien, tu fais vraiment des bons sons. Rex. Force à toi, poteau 9-5, représente. Brrrr. Tchiii. Nordin. Oh là, mashallah, t'as fait du chemin depuis le temps. Ouais, c'est top du 9-5, bac de B. Ouais, on s'est déjà vu, enfin toi tu m'as pas vu, mais je t'ai déjà vu à la salle. Donc voilà, vas-y, bon courage à toi, bonne semaine, et t'inquiète, le 6 novembre, l'album il sera dans le canetard. Ah, écoute, écoute. Fin de nouveau message. Showtime. Seth Gecko. Planet Rap. Planet Rap. En direct sur Skyrock. Let's go. Ladies and gentlemen, 20h-21h, Planet Rap reçoit Seth Gecko. Planet Rap. Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planet Rap avec Seth Gecko. Il est professeur là. Punchline, il est là, il est aussi dans les bacs, Seth Gecko. Eh ouais, faut aller pécho l'album de l'année, la cover de l'année, les clips de l'année. J'ai fait un gros travail cette année là. Ça a été un sacré boulot. Des sacrifices. Des sacrifices, vraiment? Bah ouais, parce que là j'ai vidé mon cahier de rime. J'ai plus rien là, je suis. Ah ouais, là t'es sec. Je suis à sec là. J'ai les poches vides de lyrics, non, mais elles tombent du ciel, j'ai plus qu'à ramasser. Il y a un moment, hop. C'est ce que tu vas sortir là dans, à la fin de l'émission. Hop. Voilà. Des fois, je shoote dans un caillou, j'en trouve 3-4. Voilà, c'est comme ça. C'est fou, hein. C'est inné. Tu les notes, tu les prends sur le portable, tu les enregistres, tu fais quoi? Ouais, des fois, c'est même des mots, des trucs, des mémoires, mémotechniques. Le mot, quand je le réentends, la punchline ressort automatiquement. Est-ce qu'il t'est arrivé d'être énervé en perdant des punchlines? J'ai même perdu un téléphone avec l'album écrit pendant 2 ans, pas encore posé. Ouais. Mais sur quel album? C'était sur quel album? Sur cet album-là. Sur celui-ci? Ouais, j'ai perdu mon téléphone dans les trucs, les plages privées, la type Nikki Beach et tout. Dégoûté. Cauchemar, j'avais picolé déjà. Comme quoi, l'alcool, il faut vraiment pas boire. C'est la leçon de la semaine. Et j'ai voulu y retourner le lendemain. On m'a dit, vous avez perdu un téléphone hier, on vous l'a retrouvé. Ah mais là ça a dû être un truc de fou. Là c'est la renaissance, là c'est le phénix qui renaît. Ça a dû par contre te pourrir ta soirée en fait. La nuit, le matin, ça a dû te... C'était l'ascenseur émotionnel. Ah oui. Voilà, on m'a mis le cœur dans un grand 8 dans les montagnes russes. Ça monte, ça redescend. Et en finale, j'ai retrouvé tous mes lyrics. Et là, j'ai dit, ok, j'ai tout envoyé, tout sauvegardé. À chaque fois que j'écris un truc, j'envoie aussi sur ma boîte mail. J'envoie les textes à mon manager Vincent Porto aussi, à qui je passe une grosse. L'impresario. Ah ouais, manager de star. Bien sûr. Vinsouille la fléchette. Bah, comme quoi, c'est aussi une équipe qui dure entre vous, parce que c'est vrai que t'es assez fidèle là-dessus. J'aime bien, ouais, j'ai une certaine fidélité avec mon équipe. Donc là, il y a Lamine qui est là, Minla, qui travaille aussi là, en Thaïlande. J'ai avec moi pour être DJ dans mon bar. Vincent Bardis, il est là aussi. On fonctionne en... C'est mal vu de changer de... C'est comme à la boxe, c'est mal vu de changer de prof. Donc on reste en équipe. C'est dans les bacs depuis aujourd'hui. Seth Gecko et le morceau Les Promis avec Niska. Homme des neiges. Homme des neiges tout de suite. Le clip arrive bientôt. Voilà. Guetté, allez cliquer. Il va tomber du ciel comme la neige. Yeah. Bye bye, bye. Oh. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. Yas coloré, coloré, coloré, coloré, coloré, coloré. Gros bonnet mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. On fait du ski à Dubaï mais c'est pas l'hiver. Monte le peine sur le toit. Et c'est moi qui le pousse. Deux yeux qui regardent un beau cul ne valent pas un doigt qui le touche. Mundele, mundele, mundele, mundele, mundele, ma deus. Nick Mozart à ma deus. Allez, donnez-moi deus. Moi je suis bipède, car je marche debout. Toi t'es un bipède, car tu suces parler debout. Ils se firent niquer tabasser, car ils juste parlaient de nous. On rendra les coups, par les coudes, par les genoux. Je peux faire un pack à tout qu'à rien, plutôt qu'à catarien qu'à tout. À part mon slip, personne ne me tient pas les yoku. Attention la bagarre, une cagoule sur un babtou, il devient noir. Fini le château de ma mère et la gloire de mon père. Aujourd'hui c'est un clair sur la chatte à ma gloire. Allez serre-moi à boire, un bon truc qui décrasse. Joue pas la star grosse pute à l'arrêt du cul qui dépasse. Moi je m'arrête plus, je vais te faire mal au cul, tu pourras plus t'asseoir. Mal au tru avec grosse graine de cafard. Mieux vaut être pilier de mosquée que pilier de comptoir. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. Yas coloré, coloré, coloré, coloré, coloré, coloré. Gros bonnet mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. On fait du ski à Dubaï mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. Yas coloré, coloré, coloré, coloré, coloré, coloré. Gros bonnet mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. On fait du ski à Dubaï mais c'est pas l'hiver. Un noir qui saigne, c'est le Mirace. Un blanc qui saigne, un mic. C'est Seth Gecko, j'suis dans Bendo. Bendo Capendo, dans la surface comme un grillé Jeff Tenko. J'ai RDV avec une chienne, dorénavant j'suis le veto. La bite en I, mes couilles font ta bavette. Ils ont violé mes ancêtres, donc j'suis marron comme les mafieux. Quand on part à la chasse, on tire sur le lièvre. Un tatouage sur la chatte. Je vais lire sur tes lèvres. Nous on sort du zoo, des 80 mètres carrés. Sont même pas ronds et rage de nous car on est carré. J'ai vu la rage de tous ces haineux, à travers leurs vis et leurs prunelles. Mon opticien avait tout compris, m'a prescrit un fusil à lunettes. C'est nous les bagarreurs, sponsorisés pour baiser des mères. La vie mène en bâton, dorénavant j'ai le mal de mer. Pardon bébé, j't'ai pas trompé, je suis pas comme ça. J't'assure, j'ai pas touché. Quand on l'a fait, j'ai fait sans les mains. On va fond de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. Yas coloré, coloré, coloré, coloré, coloré, coloré. Gros bonnet mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. On fait du ski à Dubaï mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. Yas coloré, coloré, coloré, coloré, coloré, coloré. Gros bonnet mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. On fait du ski à Dubaï mais c'est pas l'hiver. Professeur Punchline et ce morceau avec Niska, Homme des Neiges à l'instant. Ouais. Niska que vous retrouverez donc durant décembre, février, mars. Janvier pour le Niska. Pour le 7 Gecko Bar, voilà. Ouais, ouais, ouais, il va faire aussi un showcase dans une boîte là-bas et ça va être le feu. On va tout retourner. Je pense qu'on fera ce morceau sur scène. Ah. Et là, je t'invite à passer moi mon morceau préféré, monsieur l'agent. Et bah dans un instant, ne soyons pas si pressés. Ouais. On va en parler dans quelques minutes parce que juste avant, je vais te présenter Robs de Bordeaux. Salut Robs. Salam alaikum les frères. Comment ça va Robs? Ça va, alhamdoulilah, mais moi je suis comme cette gars, je suis pas d'accord, je vais écouter monsieur l'agent moi. Oh, tu fais plaisir toi ma gueule. Robs. Si tu veux, tu veux pas rapper même. Ah, vas-y, franchement, s'il y a monsieur l'agent mon frère, vas-y, je lui laisse ma place au frère. Eh ben, c'est t'as beau vu cette ça. Place, tu as vu c'est ça. Gentleman, mon frère. Gentleman. C'est billah, khoya. Prends mon temps, c'est billah, khoya. C'est ta semaine. Alors, ce qu'on va faire dans l'ordre, Robs, on va t'écouter rapper et après, on passera le morceau, monsieur l'agent. Allez, vas-y, on s'arrange. On fait comme ça. Petit arrangement, petit deal. Arrache tout, mon pote. On t'écoute, balance-nous ton freestyle. C'est l'heure du freestyle par téléphone, vas-y. Yeah, check ça. ROBS calibré d'un mic. Yeah. 1. ROBS, check ça. Yeah. Bordeaux. Yeah. C'est Gex. Yeah. Fredo. Ça fait 1. Check. Les gars. Oh, yeah. 1. Quand je débute, la feuille, elle est blanche. Roule un pétard et je déclenche. Une taffe par une phase. Une phase par une taffe. Je te fais bouger la tête. Pour mieux taper tes hanches. Ce soir, on fait la fête. Nique sa mère, demain, c'est dimanche. Fais péter le bord de rosé. Pulse, j'suis sur l'album. Mec, j'suis posé. Fais le tour de ma ville en 106. Tout dépouillé. Instru à fond. Merde. J'crois que j'suis grillé. Ne me gratte pas de stick mix. T'as les joues creusées par la conche. Tu joues intouchable ici. Tu t'es fait fourrer par la conche. Regrettable est ton passé. J'te tire avec méfiance. Salope du quartier. Ne lui fais surtout pas confiance. J'assassine derrière le mic. Je ne tire jamais à blanc. J'me balade toute la mic. Pour mon inspiration. J'dégaine, j'débite. Ah, fais très attention. Mon son c'est d'or. Ah, pas de la contrefaçon. Oh ma vie ne sois pas trop rapide avec ces mecs là. Produit par la Hesse, produit pour les tests. Ça fait longtemps que je suis là. Bah les couilles j'ai pas de complexe. J'pose ma bite sur la table. Poto j'ai tiré ton ex. Elle avait trop la dalle. R-O-B-S solo où ton son ça fait mal. Trop loin j'vois pas. Brivo ou Bordeaux c'est mon bail. Ne me demande pas la lune. Ah, je suis dessus. Cousin quand j'ferai la une ouais. Tu seras déçu. Représente ma ville comme il se doit. 33 départements. Ne mange pas de porc, revendique mon appartement. Pour certains je suis trop vicieux. Le talent ne s'achète pas. Ne crie jamais des yeux ou tu ne me reverras pas. Passe mes week à la Red Bus. Jack Miel veut qu'à Red Bull. Le lundi je suis fondé. Je ne m'en rappelle même plus. Les freestyles dans la wagon. Coup de boulette sur le paletot. Et NY dans le bédo 1. Seuls les vrais savent. Calibré d'un mic, c'est le projet. On ira jusqu'au bout. 2015, c'est mon année. T'es dans la merde jusqu'au cou. N'essaye pas de m'arrêter. Coup d'un tas le bras trop court. Jeune personne pour avancer, rouille. Je marche pas, je cours. Oh. Aïe. L-O-B-S. Eh ben, Robs. On a eu de la chance cette semaine avec Faz et Robs, ouais. Quand même, ça bon se débrouille. Bon freestyler, hein. Ça balance de la punchline, hein. C'est bon, c'est bien, bon. Les gars. Hein, bon, franchement, je vais te dire quoi, Fred? Là, je vais te dire la vérité, je suis planqué dans un WAB avec une petite meuf. Là, je vais pas te mentir, j'ai tout lâché une deuxième fois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai compris, ça, là, j'ai compris. C'est une dédicace à cette gueule, t'inquiète. C'est le rabouin des bois. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça, croyant. C'est ça, on est là. Eh ben, merci à toi en tout cas. Vas-y, je peux faire une petite dédicace. Vas-y, vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Mais déjà, pour commencer, dédicace à moi-même, pour commencer, c'est pas mal. ROBS Bordeaux pour me retrouver, calibré dans Mike, t'inquiète, ça arrive. Sinon, dédicace à mes Portugais, les Pimpao. Dédicace à maman, dédicace à mon club de football, Roya, qui est dernier. Actuellement, on est là. Et ah, voilà, écoute. Les derniers seront les premiers. Voilà, t'as tout compris. Et encore pour cette gueule, la famille, on est là, l'album. Ça va être du sale. Eh oui, il est sorti aujourd'hui, ma couille. Ouais. Merci à toi, Robs. C'est la bonne école, c'est la bonne école. Ça, faut écouter. Après, tu deviendras un bon rappeur, c'est sûr. Merci à toi, Robs, d'avoir été en freestyle. Et donc, tu l'avais promis avant le freestyle par téléphone, cette gecko. Robs l'attend aussi. Moi, c'est mon morceau préféré de l'album. Pourquoi? Parce que celui-là, j'aime bien les textes, ils me font galerie. Je trouve assez drôle dedans. C'est vrai que c'était. Ouais. Le morceau n'est pas drôle, mais les punchlines, je te dis, c'est toujours de le second degré, autodérision. Je laisse les gens le plaisir de le découvrir. T'arrives quand même à avoir une préférence sur l'album, certains morceaux. Ouais, parce que c'est le dernier qui est arrivé, celui-là. Généralement, les petits derniers, on les aime bien. Cette gecko, monsieur l'agent. Allez, c'est parti. C'est parti. Monsieur l'agent, comment allez-vous-en? Pétale sac de Juliette pendant que j'égorge Roméo. Je crois que la vie a plein dents comme les zombies de George Romero. Ouais, j'ai les crocs comme un pitbull qui tronche ta jambe. Je suis le père fouettard, MC va faire tes devoirs et range ta chambre. Accroche ta sangle, on a le pied au plancher. Balance les gambas sur la plancha. Soulève mon sexe en acier trempé d'une simple pensée. Tu veux goûter le bitume, penche-toi que je t'encule avec du gravier. Grosier et le langage, tu connaissais le personnage dans le grosier. Tu te sens d'âge, tes dossiers, j'ai fait les sondages. Monte sur le ring, au son de la cloche à fromage. Rapapa, maintenant si un gruyère te voit, il t'appellera papa. Professeur Punchline dans les bacs. Yeah. Monsieur l'agent veut mes papiers. Mais je les ai pas, je les ai oubliés. Ses collègues me regardent les yeux écarquillés. Passez-moi les menottes, vous faites pas prier. J'ai de la chatte à fouetter du pain sur la planche habillée. Ils savent pas rappeler, pas s'habiller, allez vous démaquiller. Détache le chèque selon les franchiers. Ce soir, monsieur l'agent n'aura pas mes papiers. On nique le 666. Le compte de la diablesse, c'est d'avoir le paradis entre ses cuisses. La vie n'est pas rose comme un clitoris. Quand je repense aux immondices faites par Dominique Baudis. On dit pas le cowboy roupie, fils. Mais l'homme au pistolet d'or. On nique les skins, on fiste les porcs. Ouais, je donne l'heure à leur intestin. Qu'on me dise que j'ai tort d'avoir fui le triste décor parisien. La vie c'est des questions du début à la fin. Ça commence par la tétine ou le téton, puis le flingue ou le surin. Ça se terminera par du chêne ou du sapin. La terre est ronde, pourtant y'a des tapins dans les quatre coins. La terre est ronde, pourtant y'a des tapins dans les quatre coins. Yeah. Monsieur l'agent veut mes papiers. Mais je les ai pas, je les ai oubliés. Ses collègues me regardent les yeux écarquillés. Passez-moi les menottes, vous faites pas prier. J'ai de la chatte à fouetter du pain sur la planche habillée. Ils savent pas rapper, pas s'habiller, allez vous démaquiller. Détache le chèque selon les projets. Ce soir, monsieur l'agent n'aura pas mes papiers. J'suis dans le faucon millénium. Han Solo, t'es pas un homme. Même tes couilles, elles t'ont unfollow. J'suis qu'un salaud, c'est soit je m'essuie dans le sopalin ou soit tu swallow. Et ouais, mon lapin, c'est soit l'un ou soit l'autre. Elles investissent dans leur nipa. Excellent dans la puterie. C'est l'hôpital qui se fout de la charcuterie. C'est pas moi qui ai grossi, non. C'est tes yeux qui ont maigri. J'suis resté le même contrairement à ces abrutis. Dans le fond, j'me dis qu'on est plutôt bien lotis. Quand j'pense aux frères, on rêve en train de nettoyer la cour. J'avais des frères, la jalousie les a rendus aigris. Chérie, c'est tes oreilles qu'on devrait appeler les poignées d'amour. D'amour. je les ai oubliés. Ses collègues me regardent les yeux écarquillés. Passez-moi les menottes, vous faites pas prier. J'ai de la chatte à fouetter, du pain sur la planche habillée. Ils savent pas rapper, pas s'habiller, allez vous démaquiller. Détache les chèques selon les points chiés. Ce soir monsieur l'agent n'aura pas mes papiers. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec, donc avec ce morceau Monsieur l'Agent à l'instant, Seth Gecko. Exactement. Un des gros morceaux, ça y est, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui, on peut le trouver. Hein. Ça y est, c'est disponible, c'est disponible. Aller se le procurer rapidement. Allez-y, allez cliquer si jamais vous pouvez pas sortir de chez vous. Voilà, iTunes te le livre direct. Directement. Voilà. Sinon, je rappelle, peut-être qu'il y a déjà il y a des gagnants aussi. Peut-être que. Mais il y a déjà des gens qui ont eu la boxe. Ont eu la boxe. Voilà, jeudi déjà, avant tout le monde. Trop fort. Et puis donc ce fameux Golden Ticket. Pour aller à Phuket. Pour aller à Phuket. Le Golden Phuket. Le Golden Phuket. Peut-être que des gens déjà sont heureux. D'avoir gagné. Mais ouais. Je rappelle qu'avec ce petit ticket que vous avez dans l'album, vous allez sur un site qui est consacré et qui est dédié. Et vous savez, joie et bonheur si vous partez à Phuket. Pour découvrir le gecko dans son élément. J'ai envie de dire au meilleur de sa forme. Voilà. Bon, au meilleur des endroits, au meilleur des endroits. Club de Phuket. Bon, est-ce que tu es prêt aussi maintenant, Seth Gecko, pour attaquer le dernier live de cette semaine? C'est parti, mon kiki. C'est parti en live dans l'émission Seth Gecko sur Skyrock. Oh! Skyrock! Cheer! Professeur Punchline! Avec la chiasse que j'ai, je suis pas prêt de leur céder le trône. Même riche, continuerai à frauder le trône. Je suis pas du genre à faire des chromes. Je paye cash quand je veux quelque chose. Y'a que des biatchs dans mes rêves roses. Comme les plus grands génies, j'ai des névroses. Parano comme les cartels du Carthagène. Suicidaire comme ce brave homme qui était Patrick de Vert qui malheureusement n'a pas pu boire le troisième. Heureusement que la Thaïlande m'a rendu zen. Je rappe pour les expats de Patonga, pas de pattes. Je prends mon tuk-tuk pour aller tac-tac. Avec une main de fer comme dans Evil Dead 3, paré contre toute attaque. Je rappe pour mes bagnards qui rayent les journées passées au ch'tard avec une petite croix à cause d'une pouk-pouk qui s'est mis à quatre pattes. Soit mes charognards sont à l'affût de petites proies. Non mais s'il te plaît, ta teinture, elle veut dire quoi? J'arrive sur toi comme le putain de coup-coup d'un pack-pack qui sort tout droit de porte de la belle chat. Tu rappes que de la merde, comment veux-tu qu'on appelle ça? Effet immédiat quand on fume la beuh de Dja. Je parle comme dans un dialogue de Odia. Ces MC factices ont vendu leur âme au bleu Dja. Dans ce game je suis comme Flactif face à David Ocha. Je suis face à des gros loups chats. J'arrive comme un V12A, Versace, Medusa. Faut que vous sachiez qu'on bigrave des sachets aux bourgeois. Tatoué comme un Mara Salvatrucha. Ma bite de valcheux dans ton trou de chat. Tatoué comme un Yakuza. Je porte le Roro comme un Zaza. T'es une info, je suis un Gouja. Grosse bosse dans le buzzline. Je suis le boss de la punchline. Grosse Rolex, grosse graine de Kofi. On est la crème du crime, on voit la crème des keuflis. On aime la guerre, pas la trêve des conflits. Nique les decks, les deux chemis, envoie le grec, les deux fris. Jamais trahir quand un refrain se confie. On n'est pas des canards mais on aime le confit. L'argent est sale mais style est propre comme un circoncis. On est des vampires, la chatte à Buffy. Faut que tu fasses gaffe dans l'air, y'a du rififi. Tatoué comme au Badaf et au Biribi. Les MC me terrifient, la bouche en cœur sur leur selfie. C'est au selfie, le rap français porte un spring selfie. Alors laissez-moi m'affaler sur mon Chesterfield. Garçon, j'allais au charbon quand t'allais smurfer. Les keufs jouent trop les Alex Murphy. Allons rafaler les fous qui pèsent leurs filles. Les pédophiles, faut faire morfler. Yeah, grosse caisse, gros dérapage. Grosse rafale sur videur, car gros recalage. Entre toi et moi, trop de décalage. Les têtes vont tomber. Ah, et la gage. Skek, méga long, méga large. Méga flow, méga phase. Bêche, baisse mes ex en guise de dépannage. Gros pied de biche pour les portes du paradise. Seth Gecko sur Skyrock, ma couillasse. Professeur Punchline dans les bacs. Tu vas aller te le pécho, ma couillasse, c'est pas rush pour les paris. Coffret collector pour 20€ avec le t-shirt. Gia. Skyrock, Planète Rap, Yuba, Younile, Gia, Professeur Punchline. Merci à tous. Seth Gecko, j'ai envie de dire, on finit en beauté avec ce live à l'instant, Seth Gecko.

Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant, ça va. Bon, et d'ici là, alors, si on fait un petit point quand même sur l'actu, il y a évidemment depuis aujourd'hui la sortie du projet de Seth Gecko. 20 novembre, concert à pas louper. Trabendo. Ouais. On va la jouer sport. Il y a aussi l'album de Niro qui sort, Zesso, Blaco, voilà. C'est une grosse sortie le 6 novembre. C'est vrai que novembre-décembre, il y a beaucoup de sorties là. Hein. Ouais. Bon, et tant mieux d'ailleurs, j'ai envie de dire, pour le rap français, parce que ça veut dire que. Il se porte bien. Avant, on regardait les États-Unis où t'avais. Il y a plein de projets qui sortent, c'est cool. Mais c'est vrai, parce qu'avant, tu regardais les États-Unis, tu voyais novembre-décembre, aux périodes des fêtes où tout le monde sortait en même temps, les gros, les plus gros. Et là, c'est vrai que bah, ça s'est inversé ici en France. C'est vrai que dans le rap français, qui est une des musiques les plus achetées aussi, supporte, il y a beaucoup de sorties entre le mois de novembre et décembre. Et j'espère que tout le monde s'y retrouvera et que tout le monde aura sa place. On a confiance. On a donné de la qualité et normalement les gens vont être réceptifs à ça. Bah, on a vu déjà les messages, vous pouvez continuer à balancer, on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. On peut aller faire un tour sur. Sur le Instagram, 7Gecko officiel avec un seul O qui lit les deux mots, 7Gecko officiel. Il y a le Twitter, c'est 7Gecko, Facebook, 7Gecko. Moi je suis vachement présent sur les réseaux. Des fois je fais le con avec le Snapchat, donc faut s'ajouter. Ah, c'est 7Gex95310. Bah des fois là en ce moment ça bosse donc on n'est pas trop. Il y a pas trop. J'ai sorti la tête de la Snapchat. Mais tu vas bientôt y retourner. Ouais. On y retourne toujours. Hein. Toujours. On y retourne toujours. Voilà. On met 9 mois à en sortir de la Snapchat et on veut y retourner. Toute la vie. On se comprend. Bon, avant de se quitter, on fait tourner la roulette une dernière fois avec toi, Seth Gecko. C'est parti. C'est parti. Skyrock t'offre la révélation de l'année. Nekfeu. Quoi de neuf, c'est ce bon vieux feu. En concert près de chez toi. Samia, du côté de Bordeaux, comment ça va, Samia? Très bien, Fred, et toi? Eh ben, je suis avec Seth Gecko pour cette dernière dans Planète Rap, je te le présente. Salut Seth Gecko. Salut Samia. Ça va, tout se passe bien? Eh ben, écoute, on est bien, nous aussi. Tu es prêt à faire tourner la roulette? C'est parti. Allez, c'est parti. Dès que tu veux, tu dis stop. Stop. Joli stop. Ça y est, il faut tout donner à ton ex. Et ben voilà, tu y seras. Deux places pour la tournée Nekfeu qui va passer du côté de Bordeaux. C'est pour toi, Samia. Il y a deux places qui t'attendent. Génial, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Un bon week-end, Samia. Profite bien. Merci, bon week-end à vous tous aussi. Et bon week-end à Seth Gecko aussi. Qu'est-ce qui est prévu pour ce week-end? Tu pars, toi, en plus, là? Ce soir, on te retrouve d'ailleurs au Luxembourg, je crois. Au Luxembourg et samedi à Nancy, dans un club. Donc, dans un club. Très bien. Voilà. Qui va se transformer pour l'occasion en Seth Gecko. En salle de concert, voilà. À pas louper. Merci en tout cas pour cette belle semaine. Merci à vous. On t'attend donc quand maintenant, alors, Seth Gecko? C'est quoi l'avenir? C'est la tournée 2016. Tournée 2016. Février, mars, c'est une grosse tournée. Donc grosse tournée un peu partout. Ouais, les grandes villes, on va les faire. Cette fois-ci, on avait vachement ratissé sur Bad Cowboy. On avait fait plus de 650 dates dans les petites villes. Là, on va essayer de frapper dans les villes un peu plus grandes. Et voilà, on va aller à la rencontre du public, même si je préfère rencontrer tous mes petits fanatiques au bar. Au bar. Comme ça, on peut échanger quelques mots, tu vois. Bon, je vous rappelle que Professeur Punchline, ça y est, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui. Ça y est, c'est sorti, ça sort du four. Faire attention, ça brûle la langue. C'est en support physique ou digital. Voilà, on compte sur le soutien des gens. C'est de la musique de qualité, il y a eu du travail dessus. Voilà. Allez-y, et puis donc bientôt aussi des clips qui arrivent, hein, Seth Gecko. Ouais, il y a le clip avec Niska qui arrive, Homme des Neiges. Quand le clip Délicatessen qu'on a envoyé une semaine fera son million. Ça va pas tarder. On va envoyer Homme des Neiges. Voilà, on vous lance le défi, faites péter du clic, et ainsi de suite. Dès que le Niska il fera un million de vues, on envoie Titi Parisien, et ainsi de suite. Merci. On a du clip sous la main. La semelle. Ouais. Ou la main. Ouais. Merci à toi en tout cas, Seth Gecko, pour cette semaine. Merci, bonne chance pour cet album Professeur Punchline. On va retrouver D-Fool et toute l'équipe. Et puis il y aura aussi la Nocturne. Tiens, tu parlais de Zesso, il débarque dans la Nocturne tout à l'heure. Bah, c'est génial. Pour son projet. Et là, c'est l'heure de la radio libre avec toute l'équipe. Yes, c'est parti. Mais ouais, on est là, ciao. Fredo. Salut Fred. Ciao. Merci, Seth Gecko. Le retour de Planète Rap, c'est lundi. Ah, bah ça, c'est le retour de la Crime. Il est de retour, la Crime aussi. On va le retrouver tout de suite avec le nouveau son de la Crime. Et semaine prochaine, dans Planète Rap, c'est Soumti que vous retrouverez. Soumti. Une écossaise que vous retrouverez dans Planète Rap. T'adore Marie. Ça va être chaud. Bon, ça, je suis Cutug. Vous connaissez le nouveau, vous le connaissez peut-être pas encore. Le nouveau Lacrim arrive. Il est en exclus sur Skyrock. C'est maintenant, c'est parti au 01 53 40 30 20. T'es prête, la Marie? Ouais, je suis prête. T'as fait un footing? Ouais. J'ai monté les escaliers. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Karim est là aussi. Salut les mannes. Romano arrive. J'ai vu Momo aussi dans le coin. Allez, c'est parti pour la radio libre en direct au 01 53 40 30 20. On démarre avec une exclus Skyrock. Le tout nouveau Lacrim. On fait péter ça tout de suite. Et on arrive avec vous en direct. La radio qui t'offre le plus de thunes.